Je n'arrive pas à dormir, poteau, j'ai la tête remplie de problèmes. Je pense à mes frères en tôle et je me bats pour rester le même. Combat ton mal, ne te laisse pas aller. T'inquiète pas, ça va aller. On rêve tous de s'en aller. Et ceux qui parlent, je les laisse parler. Parle, parle, je ne connais même pas. Comme toi, je fais parfois des faux pas. Ne les écoute pas, tu peux pointer que sur toi. Prends-toi et fais les choses pour toi. Tu restes bête, bête. Prends pas la tête, tête. On fait la fête, fête. Ne fais pas la tête, tête. Un mec à l'écondé, et quand c'est pas ça va, les minots sont des bandits. Pas là pour rigoler, la force est avec nous, limite on vous a menti. On veut tous s'en aller gros, avant de s'en aller oh. On veut tous s'en aller gros, s'en aller, s'en aller oh. Ceux qui osent gros et ceux qui n'osent pas. Pendant que toi tu dors, d'autres se reposent pas. De nos jours ça sort les armes, y'a plus de 11 pas. Pas tes airs de sympa, tu sais très bien qu'on s'aime pas. Garof pas, ne ment pas, on veut notre empire. Non je ne change pas, je suis le même empire. Oui le maillot transpire. Le mal nous inspire, on veut investir, faire du bif et on se tire. Chez nous ça fait du bif pendant que tu roupies. Arrête de faire le voyou, tu pèses pas aérobie. Tu vis pour tes groupies, fais pas le mytho. Pour des histoires de thunes, pour toi tu perds la vito. Ton poteau fait la fête, il t'a pas invité. En plus il doit des thunes, il fait que t'es vidé. Que des fils de lâche et toi tu m'as quitté. Je crois que t'as perdu la tête depuis qu'elle t'a quitté, hein. Un mec à les condés, les gros c'est pas ça va, les minos sont des bandits. Pas là pour rigoler, la force est avec nous, les mythos vous ont menti. On veut tous s'en aller gros, avant de s'en aller oh. On veut tous s'en aller gros, s'en aller oh. Un mec à les condés, les gros c'est pas ça va, les minos sont des bandits. Pas là pour rigoler, la force est avec nous, les mythos vous ont menti. On veut tous s'en aller gros, avant de s'en aller oh. On veut tous s'en aller gros. Il ne faut pas lâcher car la vie est un combat. Ça sort plus les poings mais les armes dans les combats. Ton pote t'a lâché pour une histoire de femme. Pour histoire de rue ça peut finir en drame. La vie est courte et beaucoup manque à l'appel. C'est la voix de Mala, Mala qui t'appelle. Pas la peine de faire le fou, écoute la voix qui bosse. On te le dit, on te le redit, y'a pas de boss. J'arrive sur le beat, t'inquiète on est à l'heure. J'arrive sur la scène, je veux voir les mains en l'air. Dans le rue ça tire plus en l'air. Ça tire dans les crânes et encore un corps à terre. Je veux voir la maman loin des soucis. La rentière et mon père aussi. Faire le nécessaire pour réussir. Tôt ou tard on passe on réussit. Un mec à les condés, les gros c'est pas ça va, les minos sont des bandits. Pas là pour rigoler, la force est avec nous, les mythos vous ont menti. On veut tous s'en aller gros, avant de s'en aller oh. On veut tous s'en aller gros, s'en aller oh. Un mec à les condés, les gros c'est pas ça va, les minos sont des bandits. Pas là pour rigoler, la force est avec nous, les mythos vous ont menti. On veut tous s'en aller gros, avant de s'en aller oh. On veut tous s'en aller gros, s'en aller oh. S'en aller oh. S'en aller oh. Un mec à les condés, s'en aller oh. Un mec à les condés, s'en aller oh. On veut tous s'en aller gros, avant de s'en aller oh. On veut tous s'en aller gros, s'en aller oh. S'en aller oh. S'en aller, s'en aller, oh. S'en aller, s'en aller, oh.